Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Et comme tous les dimanches entre 18h et 20h, c'est parti pour Skyrock Classics avec les meilleurs sons de Skyrock depuis qu'on est premier sur le rap. Depuis 96, on a tourné au format rap. Et attention, il y a plein de sons à découvrir, à redécouvrir en ce dimanche soir pour bien terminer le week-end. Timbaland, Nelly Furtado tout de suite. Voici Give It To Me, Fugees juste après, Killing Me Softly et une version Skyrock exceptionnelle. Le 113 avec Jimmy Sissoko était venu ici dans les locaux de Skyrock l'enregistrer. C'est Jackpot 2000 sur Skyrock, on y va. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Premier sur le rap. Vous pouvez réagir à l'émission avec le hashtag Skyrock Classics, KLA2SIKS. To Montauk on love. Love my ass and my abs in the video. You're all promiscuous. My style is ridiculous. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Yo, this is why Clef, refugee camp, cries well, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song.

miroir, je crois que je mise même pas repasser. Je me regarde dans la glace et je me dis c'est déclassé. À cette heure-ci à l'entrée ça doit se passer. Alors je rase ma barbe de deux semaines, je suis pas pressé. Ça devrait se passer même si j'ai les yeux cassés. Et même si je suis avec 8-9 disjonctés. On cache nos armes dans le buisson. Ma gueule se marrait bien avec le son. Les garçons, c'est pour moi on l'addition. On a dansé comme des tarés, je suis essoufflé. Pour me rafraîchir, je vais au bar pour consommer. Accoudé sur le comptoir, les lunettes quartier baissées. Je m'aperçois que tous mes potes venaient juste d'arriver. Et là, je lève mon verre de coca, je picole pas. Je porte un toast à tous mes frères d'Africa. Et c'est comme ça, vu l'ambiance, fallait du cran pour stopper la sono. On rentrera à la cité à l'heure du premier métro. Du côté official, toujours au top timal avec mon petit verre de sky. Et me laisse aller sur un son de George Benson. Les thromboscopes font briller mes jambes à l'Ouestin. Je fais un petit tour sur moi-même. Dans la foulée repère une jolie demoiselle. Toutes les femmes ce soir se sont fait belles. Sans aucun doute, j'y mets mon petit grain de sel. Ne bouge pas sur la boisson, je t'en prie, fais pas le con. Eh, baisse d'un con, c'est un kit à faire, tonton. Je suis avec Jano, mon Jack Ado, c'est un poteau. Ce soir c'est relax, je suis avec mes Jack Poto. Ici c'est le timal, je suis avec AP dans l'arrière salle. Montez tous dans le golf et dans 5 minutes on remballe. Eh, tête calme. Ce soir c'est le festival, sur Sky on met ça légal. Gros, c'est la totale. Classique, classique. 8h20. Yeah. Ladies and gentlemen, broadcast a live to you and yours. It's Mr. X to the Z exhibit. Yeah. The first day of the rest of my life. Hey. Stand behind the mic like Walter Cronkite. Y'all keep the spotlight. I'm keeping my rhymes tight. Lose sight of what you believe and call it a night. Yeah. This ain't the lightweight cake mix shit that you're used to. Teflon territory, you just can't shoot through. You gon' shoot who? Not even on your best day. Rolling the Wild West way, giving it up. Leaving the whole world stuck, not giving a fuck. Late in the cut, now we break through in the rut. Come on, Hennessy and orange juice, baby, fill up a cut. Quick to grab Mary Jane by the butt and squeeze. Loosen up, let your hair down and join the festivities. Overcrowd the house like lockdown facilities. Bitches be quick to give me brains while I push the reins. Going up and down my dick like the stock exchange. X. Rearrange the whole game with my rugged sound. X. Won't even say your own name when I come around. X. Stay on top but remain from the underground. X. To the Z and we all in the family. X. Rearrange the whole game with my rugged sound. X. Won't even say your own name when I come around. X. Stay on top but remain from the underground. X. To the Z. Since exhibit gets spit, been on some pimp shit. Approach every woman like a potential mistress. Shine bright, make sure that X stay tight. Cause tonight I might meet my next ex-wife. Yeah. Mr. Big Chief Reaper. Uh-huh. Exhibit uses dick like a visa. Yeah. I'm running through and money come out. Run in your mouth, I have somebody run in your house. Borrow your spouse and have a little fun in the couch. Yeah, you know that it was bound to happen. I can't give you what you lacking. Whenever you hear them other niggas rapping, rocking. Change stadiums, palladiums, crack craniums. My whole skeleton is dipped in titanium. Drop top, 10 and on 20s, using rappers like crash test dummies. Stacking real estate and money. It's funny how things change overnight when you thinking right. I beat the odds like Ike beat on his first wife. X. Rearrange the whole game with my rugged sound. X. Won't even say your own name when I come around. X. Stay on top but remain from the underground. X. To the Z and we all in the family. X. Rearrange the whole game with my rugged sound. X. Won't even say your own name when I come around.

this is what I got. You're delicious. Hold, hold, hold, hold, hold up. Check it out. Baby, baby, baby. If you really want that, honey, get some patience. Baby, then you'll get a taste. I'ma taste it, taste it. I'll be laced with lace. It's so tasty. All the time I turn around, brothers gather around. Always looking at me up and down, looking at my. I just wanna say it now, I ain't trying to round up drama, little mama. I don't wanna take it, man. And I know I'm coming off just a little bit conceited, and I keep on repeating how the boys wanna. But I'm trying to tell that I can't be treated like clientele, cause they say she delicious. She's so delicious. But I ain't promiscuous, and if you were suspicious, all that is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock, rock, and they be lining down the block just to watch what I got. Got, got, got. Four, three, two, one. So delicious. To the E, to the L I C I O U S, to the D, to the E, to the L I C I O U S, to the D, to the E, to the L I C I O U S, to the D, to the E, to the. Skyrock Classic Classics, 18h-20h. Gomez et Tavares ont marqué les esprits de tous et les gueules de pas mal de suspects. Pour des raisons qui nous restent encore inconnues aujourd'hui, Tavares a dû s'exiler en Colombie. Bah voyons. Mais c'est venu du sud de la France que l'inspecteur Dubois vient pour le remplacer et pour croquer. Moi j'aime cette maison près de la mairie en pleine ville. Parking plein drapeau, bleu blanc rouge qui scintille. Cette bâtisse qui nous a vu grandir, ça représente notre passé, notre présent et peut-être ton avenir. Je sens le vécu, l'alcool et la douille. Les uniformes se bousculent, se frottent à la rouille. C'est chez nous, et quand on vous arrête, c'est chez vous. Y'a des jouets, des matraques, des bottins. À laquelle y'a toujours des collègues pour te sourire. Et quand t'arrives en GAV, y'a toujours les fous rires. Et quand tu mens trop, y'a toujours une main tendue pour t'aider à retrouver la mémoire que t'aurais perdue. Je te regarde te plaire, j'ai mis à mourir. Et moi derrière la vitrine, j'ai trop le sourire. Les souvenirs, yeah. L'ambiance, la fraternité, tous soudés, tous bourrés. Bienvenue à l'hôtel commissariat. Y'a toujours de la place, y'a toujours de la place. Y'a toutes sortes de races. À tous les collègues de l'hôtel commissariat. Y'a toujours du stress, y'a toujours du stress. Sur ta gueule. Si tu veux voir la vraie vie, au commissariat, j'y sais, n'hésite pas, fais le 18, demande aux mains ou du bois. Même s'il y a des subventions, et que chaque jour on subit, tu sais, dis-toi que si demain on n'est plus là. C'est la Colombie. C'est toujours les mêmes plaintes, les mêmes vieilles qui reviennent. Ce téléphone qui sonne sans arrêt dans nos têtes. Les jeunes qui nous insultent, personne nous respecte. Le pire, les rapports à écrire, à couvrir les collègues. Les juges qui la ramènent, les avocats qui se la pètent. Les journalistes, les rappeurs, les familles qui rouspètent. Heureusement, après le terrain, y'a la détente. Un lieu de vie où on se soutient, sans sable. Bienvenue à l'hôtel commissariat. Y'a toujours. Y'a toujours la place, y'a toutes sortes de races. À tous les collègues de l'hôtel commissariat. Y'a toujours du stress, y'a toujours du stress. Sur ta gueule des 20h, Skyrock Classics. Mmh.

qu'on peut faire plus tard. Plus tard. Tout ce qu'on veut, c'est profiter de l'instant. L'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Du soir. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre maintenant. Maintenant. Au fond, je crois que la terre est ronde. La terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Posted up on the wall. Now I'm showing out, trying to dunk, trying to dribble. Break fast through the middle just to see a smile and giggle. Game over, I post her with a kiss on the cheek. The homeboys looking at me saying, look, how would you weep? But you know how that goes. What I got, they want. What I got, I flown. Ever mess with it, please don't. Told her I'm going home. She asked, can she go too? I'm like, yeah, boo. I can't see me without you. Got her, I took a shower, jumped out. She in the bed with a see-through thong. Said I looked at her and said, if you want to do it, I'm gonna take you out. I'm always my I'll just see Hov. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Tight, tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers. Get high, out Vegas. Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a d- trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh? And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. Baby got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. On est bien, on est tranquille comme chaque dimanche entre 18h et 20h sur Skyrock. L'émission s'appelle Skyrock Classique. Si vous êtes nouveau, c'est les meilleurs sons de Skyrock à se refaire pendant 2 heures pour bien terminer le week-end sous Tentai. C'était Justin Timberlake avec Jay-Z à l'instant. Il est 19h02. Je vous donne le programme pour la soirée. Grosse soirée de très haut niveau comme tous les dimanches soirs d'ailleurs sur Skyrock. Avec dans moins d'une heure maintenant le HUS, le classement des 10 titres qui cartonnent le plus aux États-Unis. Ce sera entre 20h et 21h. À partir de 21h, la plus grande radio libre de France. Avec Vincent, il va vous mixer les meilleurs moments de D-Fool avec le match France-Suisse à suivre. Bien sûr, qui va gagner? Bah, la France, on espère. Allez, les bleus. Et puis à partir de 21h de minuit, ce sera Rail Suprême, l'émission Rail de référence avec DJ Case qui vous fait la fête de la musique un peu en avance. Soyez là, grosse soirée qui se prépare sur Skyrock. Et là, on est parti pour une nouvelle heure de classiques tout de suite avec 50 Cent, voici 21 Question. Il y a Jennifer Lopez qui se prépare aussi juste après avec Fabulous pour Get Right. Et puis le son des bandits, c'est les psychiatres de la rime en version Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. New York City. New York City. You are now rapping. You are now rapping. With 50 Cent. With 50 Cent. You gotta love it. You gotta love it. I just wanna chill and twist the lot. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need and I like your smile, I don't wanna see you cry. Got some questions that I gotta ask and I hope you can come up with the answers, baby. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? If I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a hoopty for my bands, would you poof and disappear like some of my friends? If I was hit and I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, would you be down to ride? I get out and peel a nigga cap, you chill and drive. I'm asking questions to find out how you feel inside. If I ain't rap cause I flip burgers at Burger King, would you be ashamed to tell your friends that you're feeling me? In the bed if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we can have a little drink, you know a nightcap. And we can go do what you like, I know you like that. Like that. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Now would you leave me if your father found out I was thugging? Do you believe me when I tell you, you the one I'm loving? Are you mad cause I'm asking you 21 questions? Are you my soulmate? Cause if so, girl, you're a blessing. Do you trust me enough to tell me your dreams? I'm staring at you trying to figure how you got in them jeans. If I was down, would you say things to make me smile? I treat you how you wanna be treated, just teach me how. If I was with some other chick and someone happened to see, and when you asked me about it, I said it wasn't me. Would you believe me or up and leave me? How deep is our bond if that's all it takes for you to be gone? We only humans, girl, we make mistakes. To make it up, I do whatever it take. I love you like a fat kid love cake. You know my style, I say anything to make you smile. It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love Could for you love me, in a girl? Could you love me on a bus? I'll ask 21 questions, and they all about us. Could you love me in a bed? Could you love me on a bus? I'll ask 21 questions, and they all about us. Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho, yeah. I ain't Mr. Right, I'm Mr. Right Now. I keep women's thongs coming along. You visibly set stones, summon a prong. I can tell you ain't never had someone this long. One night, have them humming my song like girl, you ain't know I was coming strong. Now you know not to come at me wrong. I get right, You're looking just a little too hard at me. Standing just a little too close to me. You're saying not quite enough to me. You're sipping just a little too slow for me. No doubt you're playing real cool, homie. Got me thinking, what is it you do for me? Tripping a little more than I should be. So let yourself go and get right with me. Tilted brim on 20-inch rims. Rock up wristwatch, 6-inch Timbs. Button up shirt cuff with the French trim. So you can tell a man, get to the right. I'm in the driver's seat, you sit to the right. And this is just to get to the flight. I like the way it fit to your tight. So I'ma show you the world in a day before it even get to the night. I'm looking for a dime, but I don't need a penny though. Or any old wannabe Jenny Low. No, plenty dough and it's plenty more where it come from. I'm the real talk where I come from. Ho! We can get ready. Before the night is up, we can get right. n'était que sur Skyrock. Que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Ok. Ça. Hey yo Alonso, quoi Soprano, on se croirait aux eaux, Parecno, mec du réseau, squat le réseau, Skyrock, c'est dingue, psychiatre de la rime, sur Skyrock, c'est dingue, c'est un braquage vocal, à visage découvert, plus rien à perdre certes, il faut que ça paye merde, que les oreilles stressent sous ma colère, on vous a dit de ne pas faire chier le rap, maintenant je pète tes plans, que personne bouge, va dans 5 et 1, je veux qu'on m'écoute, j'ai pas choisi l'alcool pour noyer mes soucis, car je sais que la bouée du diable, il remontera en surface, pour les noyer une fois de plus la vie, c'est qu'un sursis, qui attend de commettre un délit pour purger la peine efficace, un stylo comme ça, qui coupe les cordes, qui me pend de remords, et les pleurs de ma mère en guise de sérum, pour ralentir ma mort, et on va se battre contre qui, se battre mais où ça. Se battre pour revenir ou pas, se battre pour stopper tout ça. Stopper ce train dans lequel je roule depuis 17 ans. C'est choquant quand le contrôleur passe et fait descendre mes jambes. Ta gloire, jamais un trait si ça m'échappe, man. Mais je représente les frères en fumette sur Tracy Chapman. Dans le sud, la rage frappe autant que le soleil, on s'y perd. Les jeunes se tirent la bourre avec l'ennui, ils s'attendent à Saint-Pierre. C'est la souffrance là, j'ai mon silence. Depuis, je revendique mes statuettes collées au mur de l'inconscience. Génération 86, les aînés perdus, dealer Galito, peace. Quand la nuit tombe, toute la ville rit. Écoute le son des bandits. Nous fais pas chier, Jeep. Enlève-nous le son, t'en repense le plus dans ta boutique. Quand la nuit tombe, toute la ville rit. Écoute le son des bandits. C'est pour l'amour d'un peuple. L'amour d'une zik, l'amour d'une jeunesse. L'amour qu'on palpe avec peu de fric mais avec tant de richesse. Que je rappe mes vérités comme un mec bourré sur un balcon. En tout cas j'ai plus rien à perdre alors cessez de crier. Sopra fait pas le con, j'en ai rien à foutre. Comme Sako je veux vivre mes rêves. Pas rêver de vivre où je vais vivre des grèves. C'est travailler c'est vivre, être une grosse foudre. Dans ton ciel bleu sans nuage, pour ceux qui ont la fumée comme nuage. Je veux être une étoile, voilà pourquoi j'ai la tête dans les nuages. Je peux pas accepter que la réussite chez nous soit suspecte comme la mort de Coluche. Pas grave, je garde la tête haute, je suis pas une autruche. Même s'il y a trop de potentiel, je sais qu'il y a trop de potentiel. Ta chance est putain si elle pouvait dans ce noir servir de putain de luciole. Au lieu de nous faire croire qu'un jour chez nous elle va sonner. On m'a tellement fait de promesses que pour moi tout le monde fait de l'escrime avec son nez. C'est notre premier album, des défauts y'en a et y'en aura encore. On est jeunes et on a encore le temps de remettre les gens d'accord. Je vais pas faire le custo, me dire que c'est du tout quick. L'album va être seigneur parce que psychiatre, tout le monde en parle. Psychiatre dans le circuit, j'ai besoin de fric. Mais dans ce biz, la vérité peut pas te l'offrir. Mais dis-toi que je vais pas respirer du nez, peur de trop l'ouvrir. Dis-leur salut, je resterai le même. Je parlerai toujours des gens que j'aime, pas besoin de cloner pour savoir qu'il y a urgence. Le rap se présente devant moi, je te jure que je prendrai ma chance. Quand la nuit tombe, toute ta fille brille. Écoute le son des bandits. Nous fais pas chier, Jeep. Enlève-nous le son, te repense le plus dans ta boutique. Quand la nuit tombe, toute ta fille brille. Écoute le son des bandits. Nous fais pas chier, Jeep. Enlève-nous le son, te repense le plus dans ta boutique. Quand la nuit tombe, toute Classics, Kayla 2SIKS. Yeah, yeah, yeah. We all mine. Oh, yeah. Come on, come on, huh. To all my niggas, we living it up, To everybody that we living it up, we say. To all my niggas, we living it up, Come on, baby, this is typical. Every day, one night thing, it's a physical. I'ma love you tonight, gang. Look, calling your name, put your phone in the range and roll over. I just really wanted to hold you. The time get to know you, that's a good chick. Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't, no, thugs and ladies go together. Popping my collar, partner, who in the spot? Baby, rule in the spot, in the mug, in the watch. Hug me, half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama charging white rugs. Uh-oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What I do? And all my ladies that be giving it up, What you do? To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up, my love. Come on, ladies, you just wanna hold a name, Miss Atkins. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at, never leave you alone. Cause it's on when I'm home, like it's on when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Let's be hit it off at first sight like love jones. Bitch, mini zones, baby lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. Ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up. On the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. Do I do to everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do. And all my ladies that be giving it up, my love. Come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right. Live your life. Love, you so sexy. I just want you next to me. Your whole vibe like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I wanna feel your passion. Come when you ask, laugh when you cry, cry when you laugh. But ain't nothing happening. Home girl got a little uptight. Turned off the light and started crashing. The radio blast between me and you. But you ain't on the low with the pretty thing you do. But I thought you knew what I do. You know I know what. Cause it ain't a good night if you don't act right. Like Teddy P, let's turn off the lights and grind it out. Taking no time down till the sun come out. Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do. And all my ladies that be giving it up, my love. Come on. For you. To everybody that be living it up, we say what. Giving it up, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do. And all my ladies that be giving it up, my love. Come on, we get you. Right. Come on, we get live. Come on, we get right. It's my time, woo baby. Yeah. Do a roll. Dimanche 18h-20h, premier sur le rap, premier sur les classiques, c'est Skyrock Classics. L'émission pour bien terminer le week-end, Ja Rule à l'instant, c'était Living It Up. Et attention, petit indice, petit conseil. Dernière semaine de morning à partir de demain, il reste 5 émissions d'Audifool. Ça fait 5 chances pour vous de choper des chèques de 1 500 €, écoutez. On va te demander quelle est ta radio préférée, Cyril. Ma meilleure radio, c'est Skyrock, bien et sûr. Et voilà. Ouais, Cyril. Ah, je suis content. Eh ben, t'as bien raison d'être content. T'as gagné 1 500 €, Cyril, ce matin. Bien joué. Je suis content. Eh ouais, il a bien raison d'être content, le Cyril. 1 500 € dans la poche si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio, téléphone. Retour du jeu demain. Ce sera entre 6h et 9h et toute la semaine. Hein. Le morning de Difool, le meilleur réveil sur Skyrock. Soyez là. Skyrock Classics. Tous les dimanches, 18h-20h hey sur Skyrock. You know the old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls. I said you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah, yeah. Snacks on deck, Patron on ice. And we can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah, yeah. Late night sex, so wet, so tight. I guess a jet for you tonight. And baby, you can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Yeah, yeah. Anytime you want to, pick up the telephone. You know it ain't nothing to drop a couple stacks on you. Want it, you can get it, my dear. $5 million home, drop business, I swear. Yeah, I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell mother broke nigga, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. We can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah, late night sex, so wet, so tight. to Cali, 100K deposits. Vacations in the tropics. Everybody know it ain't tricking if you got it. And you ain't never ever gotta go in your wallet. Long as I got rubber band banks in my pocket. 5-6 rides with rims and a body kit. You ain't gotta downgrade. You can get what I get. My chick can have what she want. And go in and stomp her in the bag she want. I know you ain't never had a man like that to buy you anything your heart desire like that. Yeah, I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell them all the pro nigga be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. And we can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. I said this big boy in your life, the thing gets so weird, it hits so right. Let me put this big boy in your life, that's right. I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell them other broke nigga, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. Here's another one, and another one, from Little Kim, the Queen Bee. It's ladies' night, what? It must be Angie on the mic. The butter pea, honey, got the sugar, got the spice. Roll the L's tight, keep the rhymes right. Yo, I just made this motherfucker up last night. And I'm the rookie on this all-star team. Me and Kim is getting cream, like Thelma and Louise, but on chrome. Never leave that Brooklyn shit alone. So if you say it's on, then it's on. Bang this in your whips, pack them Coda Rody with the chips in the wrist. Here's a French kiss, I dismiss all you chicks. Spit six from the fourth, fifth, make it dance. Ow! I stay focused, and the dopest. Like a penny with a hole in it. Y'all just hopeless and topless. I ain't lying, niggas tryna knock me off. Keep trying, all it takes is one phone call to my street team. Promote that ass like a soundtrack, you jack. Sit it, send it off with the 850. Y'all missing the buck, what the fuck? Bump Biggie in the truck, in the buck to my double bitches. Let me see you do the bank head if you're riches. It's the rap, made West, the QB. And I got all my sisters with me. Lay that ass flat. I be the one choking your paragraphs with laughs. Get you back up on the right path. Ain't no stopping me, ladies, from club hopping. Gets my rock on. From flavors to frozen at Paradise June. Booty shaking with the glass in my left one. Right hand saying stepson. To me, my girls is fancy fly bitches. To my niggas, straight snitches. And to the mother chicos, Lady Pimp ain't having that shit. If you ain't got the cash to stash, suck my dick hoes. Strictly your bell ringer. Lay another finger on this big bad whoop, Miss Lady Rap Singer. I be the one to blame as the flames keep rising to the top. And it don't stop. Niggas try not to notice the dopest bitches approaching with good intentions, but focusing on their bitches. If it's too hot, then get the fuck up out the kitchen. Niggas dick stay lifted when they're thinking of me. Cause the rhythm I kick causes them like a rhythm fatigue. Filling them with sluggers off the 9 milli loop a clip. Bitches watch, we just keep kicking up dust. And you can spread rumors, shit is making me sick of the head tumors. You and me about hugging me, saying you loving me. Let your phony niggas be bugging. I can tell cause the thug give me more to sell drugs and push keys. Need to get me more with these BBs and them threes. Smoke weed from overseas, pimp like that rollies. Fuck the police, keep my wallet on peace. Who the Windy City woman still coming and gunning straight from the shot. Tonight, tonight for all the ladies, let's get high. Something on this track now. You ain't gonna use me to just be singing hooks. What I look like? Patti LaBelle or somebody, nigga? Take it out. Yeah. Oh, what a night. You should be like this instead of being like Mike. I like to ride ponies instead of riding bikes. Me and Lil' Kim got the rhymes to excite. I gotta catch a flight. Round three-ish. Niggas can't see us from Electra to Aeneas. Niggas wanna feel us. I'm out. Skyrock Classics, les éternels de Skyrock, en version originale. Yeah! Qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, pensez à quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors garlouches. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toirettes, les pirates du bitume. J'en plus de chico sur le côté, qui boite pas la frais avec un œil qui se bat en couille. Toujours devoir quand y'a un bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se tapent, même quand on est plus quoi ça marchait dessus. Pour nos sœurs, nous serons les mères de demain. Wesh wesh cousin, mafia quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouches. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toirettes, les pirates du bitume. Ton petit chico sur le côté, qui boit dans la frais avec un œil qui se bat en couille. Toujours devant quand y'a embrouille. Deux enveloppes dans l'une un big up au bled. Dans l'autre un big up aux jeunes des cités HLM. C'est pour les mecs avec ou sans permis. Des Loki dans le box, la weed dans le coffre et le 20 grammes de pops. Au charbon comme le jeune fraîche pour les flèches. 200% crevard, trop puissant, malin et rusé. Lève ton majeur bien haut si tu me sens venir. Samir elle a trahi et là elle couvrisse de partir. C'est pour les meufs accompagnées, les charmantes et stylées, épilées qui se jettent vers notre côté. J'manifeste la famille pour se l'attache. Pour les mecs de ma rue qui s'étranglent à la tâche. C'est pour les gens valjants, les gros barjols, les rageuls qui roulent en BM à l'ancienne avec les phares jaunes. Qui rôdent quand t'as slip, tu te joins dans le cendrier. Comme un fusil qui peut te faire valser un sanglier. À ceux t'aiment ou ceux qui te surinent, qui te font sourire ou trembler. Ceux qui te font rire jusqu'à t'en étrangler. Les gros timbrés, ceux qui ont envie de Ken ou Tenken. Qui se foutent ça en pleine semaine, berceau au dessin animé hardcore comme Ken. Aux survivants de la galère qu'on assimile à leur ville. Quand la Ilia, Francis, de Ria et de Saint-Emilia. A ceux qui sont toujours là pour leur familia. A ceux qui kiffent la vraie fête, je te parle pas du milliard. Sans armes, retenant mes larmes comme Kelly Joyce. Ça te concerne pas, donc là tout de suite éteins ton poste. Ceux qui ont compris que la vie est ce que t'en fais jusqu'à ta mort. La vie ce n'est pas un film dont ton quartier serait le décor. Pour ceux qui ont bien connu et côtoyé l'inoubliable. Ça fait partie de notre passé, de ces choses ineffaçables. Ceux qui très tôt ont accusé de mecs à part sur le bitume. De par leur attitude, ça c'est de la part d'OG Bitume. Pour ceux qui s'y payent à noyer, mon bled vise d'être propriétaire. J'ai pas passé ma vie à jouer le sparring part. C'est le sommet aussi celle qu'on le somme sur SSL. Pour ceux qui veulent des parts en plus des parts à l'assassin. Les cas sociaux qui te font peur, qui font le beurre. Toujours à l'heure exacte dans les transats. Fini sur un transat à Pattaya. Gros dix sacs ont toujours la barre. Qui passe à la barre, pour l'anglaise, la taille qui pousse seule la barre. Pour les croyants, les faillants qu'on peut culture immature. Et vos riz au couscous, au coup de ceinture. À la place ouvrière, les darons et boueurs. Baron qui staffent les travaux sanitaires dans la douleur. Pour les pucelles, celles qui puent pas de la chatte des aisselles. Qui prennent frontaine. Chanel. Pour la cuisine, la vaisselle, qu'on fait le mariage halal. Et yo, pour les pilotes de voitures puissantes, routines. Les poteaux qui roulent en chaise roulant. C'est pour les mecs qui sortent les CBR quand il fait chaud, qui squattent les bars, les billards, genre des banlieues paro. J'rappe pour les perceurs de coffres. Ceux qui va être à ton box, c'est ton coffre avec un 12 coffret. Pour ceux qui sortent vos gosses poteaux, sous le soleil en été, qu'un est en main dans le ghetto. Hiver comme été, ensuite la suite. Mec, ensuite poursuite, l'élite fuite, même sous cuite. Pour ceux qui foncent, défoncer le son dans les oreilles. Et baise la PS2 toute la nuit pour trouver le sommeil. Pour ceux qui foutent des KO, pas sur pas, oser le tarot. Des tarés, tous parés pour cargo. Pour ceux qui ont les bagages prêts à partir, soit pour embarquer ou sortir du sas avec la tirelire. Ceux qui font tout pour pas se faire alpaguer, les dingues. Ceux qui accélèrent les mordus des armes, castiquent leurs flingues. Ou ceux qui aiment les virer by night quand tu nous croises au volant. Celui qui bombarde, c'est Mika et Night. Ceux qui ont pas internet, matent les faits divers de leurs fenêtres. Les mecs pas trop nets, à qui on met les gourmettes qui baissent le patronat. 24 sur 7 envers nous, l'État a des dettes. À tous ceux qui chantent nos hymnes, t'as le chant libre. Et tous ceux comme pseudonyme et qui sentent libre. Eh, hey, laissez passer ma dream team. Quand je retrouve au mic, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a déjà rayé comme le maillot de l'Argentine. Mon rap c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard. On est là pour faire vibrer les ghettos comme Boissard. Pour les plus durs, pour les plus tendres. Pour ceux qui aiment les gangbangs et se faire masser comme en Thaïlande. Si t'as un bon plan, vas-y mec. Pour ceux qui ont jamais lâché le break ou le grec. Hey, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui ont le logo Capri, brodé sur le cuir. Pour les quinfruits, pour tous ceux qui ont acheté des points sur les i. C'est pour ceux qui sont partis, c'est pour MS et LAS. C'est pour ceux qui votent, ceux qui se tapent pour leurs potes. Ceux qui cherchent le jackpot, ceux qui dans la rue ont perdu des potes. C'est pour ceux qui souffrent, pour le ghetto, pour les mettre à corps. Pour tous ceux qui mangent pas corps, pour tous ceux qui dorment dehors. Ça c'est pour les mecs qui plaisantent pas. Faut pas rigoler avec toi. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui tapent, même quand les plus grosses à marcher dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, pas bien quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches en galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les casseux ceux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toilettes, les pirates du bitume. J'en plus de chico sans côté. Qui boite, balafré avec un œil qui se bat en couille. Toujours de voir quand y'a un bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se tapent, même quand les plus grosses à marcher dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, mafia caca. Pour les calouches, les harbouches, les manouches en galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toilettes, les pirates du bitume. Ton plus chico sur côté. Qui boite, balafré avec un œil qui se bat en couille. Toujours devant quand y'a un bruit. C'était intense, hein. 6 minutes de plaisir pour ce Mafia Quinfri avec une grosse partie de la scène rap français. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h, encore 25 minutes d'émission. Avant de retrouver le HUS, le classement des 10 titres les plus vendus aux États-Unis cette semaine, ce sera tout à l'heure. On va découvrir si Justin Timberlake conserve la première place. Bougez pas. Et on est reparti pour aller une grosse demi-heure de classics avec Chris Brown, Lil Wayne et Tyga. Écoutez maintenant aussi Loyal, Eminem juste après. Hi, my name is. Et puis attention, Dave Bond et Karine, tu me plais. On vous a ressorti du gros son pour ce soir. Skyrock Classics jusqu'à 20h. Bougez pas. You thought it was over? I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. But you was blowing up her phone last night. But she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she'd rather have a purse? Why give a bitch an inch when she'd rather have nine? You know how the game goes, she be mine by halftime. I'm the shit, ooh, nigga, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman, Junior, and this bitch, no flamingos. And I done did every day but trust these hoes. See me fuck with. When a rich nigga, won't you? And your nigga can't do nothing for you. Oh, these hoes ain't loyal. Whoa, these hoes ain't loyal. Yeah, yeah. See, just got rich. Took a broke nigga bitch. I can make a broke bitch rich. But I don't fuck a broke bitch. Got a white girl with some fake titties. I took her to the bay with me. Close, smoking marijuana. Rolling up there by Molly, I'm a rasta. She wanna do drugs. Smoke weed, get drunk. She wanna see a nigga trap. She wanna fuck all the rappers. When a rich nigga, won't you? Won't you, baby? And your nigga. see a bad bitch, let's get to it. Right away, we up in this club, bring me the bottles. I know, girl, that you came in this bitch with your man. That's a no-no, girl. All this money in the air, I wanna see you dance. Just got rich, took a broke nigga bitch. I can make a broke bitch rich, but I don't fuck a broke bitch. When a rich nigga won't you? Bigger, so my chains got bigger. Ferrari, Jaguar, switching four lanes with the top down, screaming out, money ain't a thing. Me and CB in the bay with her. I sent her back home so you could lay with her. Okay, let's talk about this ice that I'm carrying. All these carrots like I'm a fucking vegetarian. Shout out Weezy F, keep a red bone wet. Rose Rolex, hoes on deck. She know I got a check. Do it too good when she ride that dick. Man, I wouldn't trust that bitch. Nope. Come on, girl, why you front? Baby, show me something. When I call her, she gon' leave. And I bet that bottom dollar she gon' cheat. Come on, girl, why you front? Baby, show me something. Classique, classique, 18h-20h. One of my eyelids. Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Yeah, try sit and get fucked up worse than my life is? Uh-huh. My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. So why's your face red? Man, you wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes back was like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a fuck. God sent me to piss the world off. Hi, my name is... What? My name is... wanted to have sex in junior high. The only problem was my English teacher was a guy. I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler, and stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club, had my jacket zipped up, flashed a bartender, then stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial, killing pedestrians, raping lesbians while they're screaming, let's just be friends. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper, make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands and try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy at White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole. Hi, my name is... My name is Sadie.

pété comme ça. Skyrock Classics, Classics, Classics, 18h-20h. I'll roll up, shorty, I'll roll up. It's your anniversary, isn't it? And your man ain't acting right. So you packing your Damier luggage up, calling my cell phone, try and catch a flight. You know one thing straight, I'll be there, girl, whenever you call me. When you at home, that's your man. Soon as you land, you say it's all me. Cause shit ain't all G with him no more, you ain't entertained. Since I met you a couple months ago, you ain't been the same. Not saying I'm the richest man alive, but I'm in the game. As long as you keep it 100, I'ma spin his chain. Whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly. Don't care what your friends say, cause they don't know me. I can be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I try to stay out your business, but on the rig, it's so obvious. And if you keep fitting me in your plans of fucking up, your man's gonna catch on to us. That white sand surrounding us, he be handcuffing, he should work for them officers. If you rolling, I got a spot where I can put you on this medical and send you home doctored up. You wanna ride with me cause you say that he boring. Wake up, you rolling weed, cooking eggs in the morning. Ain't scared to spend this money, I know I'll make more of it. First you was in the sky, now you say whenever you in orbit. Whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly, don't care what your friends say, cause they don't know me. I can be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. No matter where I am, no matter where you are, I'll be there when it's over, baby, cause I was there from the start. No matter if I'm near, no matter if you're far, all you do is pick the phone up, lady, and I'll be there when you whenever call. You need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly, don't care what your friends say, cause they don't know me. I could be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly, don't care what your friends say, cause they don't know me. I could be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. C'est Skyrock Classics comme chaque dimanche entre 18h et 20h. Wiz Khalifa à l'instant, le rappeur de Pittsburgh. C'était Roll Up, on prépare Drake. Il arrive très très vite, ce sera juste avant l'arrivée du 8US. Les 10 meilleures ventes aux États-Unis. Drake, hold on, we're going home tout de suite. Le 8US à 20h, la radio libre de Difool à 21h. Et Rail Suprême à partir de minuit. Gros programme ce soir, comme tous les dimanches soirs. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec Sniper, pris pour cible. Premier sur le rap, premier sur SNIPER. Mentalité de tocard qui dans le pays sévit. Bien souvent, j'ai ressenti dans le regard des gens de la méfiance. confiance à mon égard, mis à l'écart et c'est vexant avec ça. La paranoïa t'envahit, de quoi au fond de toi la jura sommeille après ça. Tu deviens insociable, tout le temps tu te sens pris pour cible. Pas aimable et très susceptible, impossible d'instaurer un dialogue, en plus pour en rajouter. Les médias nous cataloguent, nous salissent et nous déclarent santé. On montre toujours les mauvais côtés, dans les films c'est abusé. Pourquoi on nous fait passer, je suis médusé, faut pas pousser. Je suis pas un arracheur de sac à main, survêt, basket, casquette, mais dans le droit chemin. Faites pas leur France, ça me fait flipper quand j'y pense. Allez savoir, qu'est-ce qui les pousse à nous mettre tous dans le même sac. Pourquoi quand je croise une vieille, elle s'agrippe à son sac. Pourquoi quand je cherche un taf, je vois les portes se fermer. Pourquoi on me traite de voleur alors que je n'ai encore rien volé. Est-ce mes baskets qui font ça? Je ne crois pas. Est-ce ma tête qui ne passe pas? Je ne sais pas. Y'a tant de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais je ne vais pas rester là, me morfondre. Je les calcule pas. Rien à foutre des préjugés. J'avance, je ne recule pas. Oui, y'a que Dieu qui peut me juger. Je m'en fous qu'il m'aime pas. Ou qu'il se sente dérangé. Ici c'est aussi chez moi et crois-moi sur parole, je suis pas prêt de bouger. J'en ai catalogué. Démarrer sur Skyrock, Skyrock Classics. On me, I want your